On va parler sport business avec notre ami Charles Demers. C'est pas mal de sujets, trois sujets que je voulais aborder avec Charles. Salut Charles. Salut Danny. Charles, d'abord, dans un premier temps, faut revenir sur l'histoire des équipes canadiennes, des athlètes olympiques également. Donc, c'est confirmé depuis dimanche que le Canadien va pouvoir passer ou traverser les États-Unis sans quarantaine. Évidemment, ça fait pas l'unanimité partout et avec raison. Mais effectivement, Danny, il faut qu'on regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Ça fait, tu sais, on va prendre le CF Montréal, présentement, qui est aux États-Unis, qui ont commencé leur saison là-bas, qui sont déjà là-bas. Eux autres ne peuvent pas revenir. Et puis là, le Canadien obtient l'autorisation. C'est certain que ça fait des mécontents dans le monde du sport professionnel. Je te dirais que quand tu regardes là, la liste d'épiceries que le gouvernement a demandé aux Canadiens, elle est assez longue, là, dans le sens que les conditions présentement sont extrêmement grande à respecter, notamment de rester dans une bulle, des vols non visés, etc. Ça prend des grosses ressources financières pour pouvoir respecter ces règles-là. C'est pas toutes les équipes sportives, je pense, exemple, aux équipes mineures, exemple, comme les Capitals ou les Aigles. Elles autres n'ont pas ces ressources-là de pouvoir mettre les joueurs dans une bulle, d'avoir les tests à préparer, les tests à fournir au gouvernement. De prendre des vols non visés non plus, c'est pas quelque chose qui est possible. Fait qu'effectivement, ça s'applique pas à tout le monde, mais c'est un gros pas vers l'avant. Je pense que le fait là, que des skieurs comme Kingsbury sortent dans les médias présentement, ça fait en sorte que bon, ben la pression commence à augmenter, puis éventuellement, il y aura pas le choix d'assouplir encore plus là. Ben là, c'est parce que je vais parler tantôt à Jules Dufaux, qui est l'entraîneur de Léandre Bouchard. Oui. Tu sais qu'on est à un mois des Jeux olympiques de Rio, puis il y a encore des problèmes, là. Il y a Ben encore oui, parce que. avec les athlètes olympiques qui vont participer à Rio, pas à Rio, mais à Tokyo. Donc, on a un gros problème avec ça, là, ce côté-là, pour la préparation, là. Présentement, c'est quasiment impossible pour les athlètes de conserver leur mental dans le tapis à un mois Effectivement. des Jeux olympiques, parce que les gens qui doivent aller à l'extérieur pour différentes raisons, pour des championnats du monde, pour des qualifications olympiques, ben, ils doivent revenir et faire une quarantaine actuellement. Donc, c'est certain que ça change complètement leur préparation. Ils se trouvent désavantagés par rapport aux autres athlètes là, pour les Jeux olympiques. D'autres devoirs, puis c'est pas juste ça. Est-ce que tu penses, là, la MLS, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes restrictions, les Capitals, mais les Jays, par contre, et les Raptors. Les Raptors, je pense que ça va se régler avant, là. Mais les Jays, par exemple, eux, moi, je pense qu'il faut qu'ils reviennent après la pause du match des Étoiles à Toronto. Hier, on a annoncé que c'est le 21 juillet jusqu'à Buffalo, un minimum. Mais penses-tu qu'il y a ça, on en a parlé il y a 2 semaines dans la première chronique. Là, avec ce qui s'est passé avec le Canadien, je pense que les Jays ont autant de moyens, sinon plus encore que les Expos, que le Canadien, financièrement. Penses-tu que le commissaire du baseball et l'association des joueurs du baseball vont forcer? Ben, je pense que oui, puis tu sais, il y a deux affaires là-dedans à considérer. Il y a la capacité de mettre des gens dans les estrades. Présentement, même si le Canadien a la capacité de survivre quand même si il y a seulement que 2 500 personnes dans les estrades. Présentement, les Jays, ils vont jouer à 80% de capacité à Buffalo dans quelques jours, là. Les autres, si on pense aux revenus générés par la vente de billets, c'est certain que c'est préférable pour eux, au niveau des revenus, de rester à Buffalo. Mais par contre, et lorsqu'ils traverseront, ils devront être en mesure de pouvoir mettre du monde dans les estrades. Lorsqu'on pense aux Maple Leafs qui ont été en mesure de mettre seulement 500 personnes dans les estrades, on n'est pas prêt là, de pouvoir mettre 20 à 25 000 personnes dans les estrades au Rogers Centre, là. Effectivement. Là, par contre, ce qui risque d'arriver, j'ai hâte de voir, moi je trouve que c'est la plus belle, le plus beau signe. Là, tu vas avoir une série, parce que moi je le vois tous les soirs, parce que j'écoute du sport tous les soirs. C'est du football, pas du football, mais du basket, des séries de basket. Tu vois le baseball, tu vois également le hockey. Là, tu vois plein de monde au Colorado, à Las Vegas, pas de masque, pratiquement à guichet fermé. Puis là, à Montréal, il y a 2 500 personnes. J'ai l'impression de ce côté-là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de pression également, parce que tu sais comment c'est important aussi, là, la foule, comme la foule du semble peut être intimidante en séries éliminatoires, là. J'ai l'impression que là-dessus, il va y avoir de la grosse, grosse pression aussi, là. Complètement, Danny. Puis, tu sais, ce qu'il faut que tu regardes là-dedans, c'est que surtout en séries éliminatoires, de jouer à maison, en termes anglais, c'est un game changer, dans le sens que tu peux avoir tes partisans derrière, puis on le sait avec l'historique du Canadien, puis présentement, que ce soit déjà rendu là où je suis vraiment Je suis vraiment curieux de voir comment que ça va se passer dans les prochaines semaines. J'ose croire que si jamais ça devait aller à une ronde supplémentaire, ben que les mesures seraient encore plus assouplies. On se cachera pas qu'il y a beaucoup de pression. Les médias donnent énormément d'attention au Canadien de Montréal à Montréal actuellement. J'ose croire que la pression va finir par monter et se rendre aux oreilles du gouvernement. OK. Autre sujet intéressant, ça me fascine, ce qui s'est passé, je n'en reviens pas encore. La USFL qui revient, qui renaît de ses cendres. Faut dire que la USFL, c'est un circuit de football professionnel qui a été de 1983 à 1985. Incroyable. On a décidé de ramener la USFL en 2022. Surpris de ça, toi? Moi, je suis tombé à terre encore. Je suis extrêmement surpris, puis en plus, dans une ère où que la NFL est extrêmement forte, NFL prend presque, au niveau on parle de la télévision, là, prend presque 80% des parts de marché de la télévision au niveau du football professionnel. C'était incroyable. Fait que, t'sais, moi, je suis extrêmement surpris, d'autant plus que ben, ça a été un échec complètement au milieu des années 80, ça a été un échec total là, au niveau des difficultés financières. Moi, je pense que s'ils reviennent, il va y avoir d'énormes changements par rapport aux années 80. Dans le sens que, ils ont eu énormément de difficultés à contrôler leurs coûts durant cette année-là. N'étant pas en mesure de pouvoir mettre de plafond salarial, ben les salaires ont augmenté. Puis tu sais, il faut se le dire, Danny, le calibre était pas mauvais. Le calibre était Ah non, très, très très bon. bon. Le calibre était très bon. Sur le terrain, le produit était là. Mais le problème, c'était. Il y avait deux gros problèmes. C'était les marchés, la capacité d'avoir des baux, d'avoir des bails de location de stade qui fassent du sens. Et la deuxième affaire, c'était les salaires faramineux qui ont pris un envolée fulgurante. Il y a eu une mise aux enchères entre les propriétaires pour acquérir les joueurs et ainsi de suite. Et puis, ils n'ont pas été capables de contrôler les coûts. Et ils ont essayé finalement de faire concurrence à NFL. C'est là qu'ils sont Voilà, c'est ça le problème. Regarde, écoute, moi j'ai ma théorie là-dessus, Charles, tu diras ce que j'en pense. Il y a de la place pour une ligue de printemps. La XFL, moi je pense que c'était très très bien parti l'année passée avant le COVID. Par contre, il faut pas compétitionner la NFL. Et la NFL est beaucoup plus forte que dans les années 80 encore, là, comparativement, là, toute proportion gardée. Moi, je pense que si on compétitionne, si on reste dans nos moyens, si on n'essaie pas de compétitionner la NFL, il y a de la place pour une ligue de printemps de football. Écoute, je regarde les codes d'écoute de la Spring League Football, je sais pas si ça dit quelque chose. C'est à Fox le dimanche, le samedi, puis 400 000, c'est quand même bon là, pour une ligue qui est pas connue, là. Exact. Puis tu sais, je pense que les marchés vont faire une énorme différence aussi. Ouais. Je pense que d'avoir Fox derrière, Fox qui est d'ailleurs actionnaire de la ligue, partner dans cette ligue-là, je pense que ça va grandement aider au niveau des droits de télévision. Reste à voir si le ticketing va être bon, si la vente de billets va être bonne, comment ils vont s'en sortir. Moi, je pense qu'ils doivent avoir un produit qui est différent de la NFL. Ils doivent se différencier, ils doivent trouver une façon. Et c'est pas rien qu'une question de timing. Oui, tu as raison en disant que ça doit être une ligue de printemps-été, mais ça doit être différent. On doit offrir un produit qui est abordable, un produit qui est familial, un produit qui sort de l'ordinaire. Et je pense que c'est vers là qu'ils s'en vont. Reste à voir comment ils vont être en mesure de contrôler leurs coûts. Hein. C'est la nerf de la guerre au Ouais. niveau du football. C'est d'être capable de contrôler. Écoute, t'es en marketing. Moi, le fait de ramener le nom USFL, puisque ça n'a pas dû coûter cher, ramener les logos, puis tout ça, payer les logos, payer le marketing, payer toute la brand qui est autour de la USFL. Est-ce que pour le promoteur de ça et Fox également, le fait de rappeler USFL, c'est encore mieux que de partir avec une ligue, parce que ça fait parler, là. On ramène la USFL, ça fait parler, là. La preuve, on en parle aujourd'hui, Danny. Ouais, Fait que, ouais. faut dire, ça fait, et puis on en parle, puis il y a une historique, puis Ouais. on parle des problèmes du passé, puis je pense ils sont en mesure de pouvoir dire, ben, regarde, on a fait du chemin, on a évolué. Ils sont capables d'offrir un meilleur produit que ce qu'ils offraient avant. Ils sont capables de ne pas répéter les mêmes erreurs. Je suis vraiment curieux mais je pense effectivement, comme tu dis, le nom est avant tout marketing. Le nom. Ah non. Écoute, ça fait CBS, ça fait tout le monde en parle. Il y a encore hier, CBS Sports avait un éditorial là-dessus, donc ça fait parler. Dernier point que je veux t'emmener, moi je ne l'ai pas suivi du tout, du tout, du tout, parce que je trouvais que c'était une farce. Logan Paul et Floyd Mayweather, je pense que ça a fini. Mayweather qui a gagné, je pense, mais il s'est rendu à la limite. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça. Ça a été une victoire à l'arraché. Mais tu sais, moi, honnêtement, encore C'était là, le on parle. marketing, là. C'est du marketing. C'est encore là une guerre de marketing. C'est pas une guerre de marketing, c'est du marketing. C'est une façon de générer des revenus. C'est une façon de faire parler. Je pense pas que ça allait nécessairement. Ça passe au livre des records, puis au tableau des honneurs. Mais effectivement, on en parle aujourd'hui. C'est pas. Mais j'espère que ça ne deviendra pas, tu sais, pour le sport, là, pour les Ben, c'est c'est plate. ouais. C'est plate. Moi, je pense vraiment que ça fait pas une ombre à la boxe, là, mais Non. ça fait. Ça vole un petit peu le spectacle aux boxeurs. Ça cherche à aller chercher des revenus. Ça cherche c'est une façon de faire parler et de poursuivre sur cette lancée-là. Quelques années, il y avait eu un affrontement. C'était qui l'affrontement là? Moi, ça m'intéresse tellement pas ces affaires-là, mais je sais que entre le gars de la UFC, c'était Conor McGregor qui était là-dedans, puis c'était Mayweather, hein? C'était Mayweather. Ouais, Ouais, c'était exactement. Mayweather contre McGregor, puis Exact. je pense, tu sais, ça a été. C'était couci C'est couça, là. J'espère que ça ne deviendra pas une habitude. bon, c'est ça, c'est tellement deux sports différents. C'est même pas comparable. Ça attire pas nécessairement la même clientèle. Les passionnés de boxe, oui, ils vont aimer la UFC, mais c'est pas la même clientèle, c'est pas les mêmes fans, c'est pas la même crowd. Puis on essaye de se dire c'est des sports de combat. C'est comme si tu mettais un gars de judo avec un gars de karaté, puis tu dis on va faire un show avec ça. Je suis pas certain que ça va être nécessairement un bon show. La réglementation, c'est pas la même. Les gars sont pas entraînés de la même Ben manière. non. C'est pas c'est ça. Comment ça a été? Évidemment, c'est ça la guerre, c'était télépayage. As-tu une idée comment ça a été commandé? Ben, je pense que c'est le promoteur, c'est Mayweather qui était le propre promoteur de ce OK. spectacle-là, si je ne me trompe pas. Mais je ne sais pas comment que ça a été commandé, comment que ça a été organisé. Chose certaine, moi j'ai l'impression, je te dirais, Danny, que c'est un show de boucan avec pas grand-chose. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Charles, toujours intéressant. On va se reparler la semaine prochaine. Parfait, Danny, Notre merci à ami toi. Charles Demers qui nous parlait de sport business.